Liste noire, liste rouge, de nos erreurs, de nos errances, avec humour, de nos humeurs, récurer l'amour, des sentiments immenses. Confondre les vouloirs de l'avenir, sans les rumeurs du passé, si immense, si intense. Collaborer à la défaite de l'innocence, contribuer à régresser et ajuster l'ignorance. Agencer les masses, retrancher les foules de l'insouciance. Ils sont diplômés sur la science humaine, ça reste la science. Ils leur décernent des médailles, des coupes, des trônes, des avoirs. D'avoir manipulé des gens, les gens, de l'avoir haut, de les avoir fait faire le pire que l'humain puisse agir. Et l'on trouve des raisons à l'horreur pour avoir bonne conscience. Faire souffrir les bêtes avant de les tuer, pour les bouffer, les écarteler, les compresser, les passer au mixeur, découper encore vivant et pleurer pour quelqu'un, pour quelques hommes tués dans ces pays riches, trop poche trop qui chantaient en gueulant des hérésies, des inepties. Moi je vous dis merde. Merde, allez vous faire foutre, bande d'humains de merde, allez me faire foutre, allez crever au diable, s'il y en a honte, comme vous l'avez.